Chapitre 20e. M. Mulford renouvela souvent ses visites au cottage de Sainte-Colombe. Mme Peters commandait de petits dîners fins pour le nouvel ami de Mark. Il semblait qu'il n'y eût rien de trop bon pour lui. Le curaçao et le brandy étaient, le soir, en permanence sur un plateau, et la jolie Mme Peters en faisait les honneurs à ses hôtes. Le voile sous lequel Mark dissimulait sa situation domestique était du tissu le plus diaphane, semblable au léger brouillard d'une belle matinée d'été. Si vous ne m'aviez immédiatement inspiré la plus grande confiance, je ne vous aurais pas invité ici, dit un jour Mark à Mulford, en désignant d'un signe de tête le cottage et le jardin plein de chrysanthèmes flétries par les premiers froids de novembre. Vous avez bien raison de me parler franchement, répondit Mulford, car jusqu'à présent mes investigations n'ont abouti qu'à me montrer la difficulté d'établir une balance. Les entrepreneurs sont si en retard pour régler leurs comptes. En retard? On dirait en vérité que personne n'a rien payé depuis 2 ans. N'y a-t-il pas une autre explication à ce problème? Au lieu de n'avoir rien reçu, n'aurait-on pas dépensé ce qu'on a reçu? N'est-ce pas la cause des difficultés présentes? À bien regarder, à bien réfléchir, c'est ce que je crois. C'est la vérité, dit Mark. Ma situation est aussi mauvaise que possible. Vouloir vous tromper ne ferait qu'aggraver mes torts. Votre intelligence, votre habileté, peuvent seules me sauver. Tout vous est possible dans les ténèbres où nous sommes plongés. Bien souvent, vous avez fait miroiter à mes yeux des espérances de fortune qui ne tiennent au simple fil d'une vie humaine. Eh bien, s'il en est ainsi, je vous récompenserai largement du service signalé que vous m'avez rendu. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de concilier ma conscience avec un tel acte. Mais c'est un acte de charité. Comme de tendre la main au malheureux qui se noie. L'Évangile est plein de miséricorde pour le pécheur. Vous n'aurez pas à vous repentir de m'avoir sauvé. En attendant l'avenir, je puis vous avancer 50 livres, car j'ai pris dans le coffre-fort un billet à ordre qui vaut une banknote. Tout ce que je vous demande, c'est d'établir une balance. Qu'importe à mon frère d'avoir 1000 livres de plus ou de moins à la fin de l'année, ses recettes excèdent toujours de beaucoup ses dépenses. Mais si la balance montre que les ardoisières n'ont rien rapporté depuis quelques années, il les fermera. Ne croyez pas cela. C'est un simple Brutum Fulmen. Il se fâchera d'abord et se calmera ensuite. Nous lui montrerons qu'une telle situation ne peut se prolonger indéfiniment, que la bâtisse va reprendre, puis je tiendrai, à l'avenir, ma comptabilité d'une manière irréprochable. Mulford dévisagea Mark et se dit à lui-même, en voyant cet homme mince, à demi-blond, aux yeux ternes, qu'il n'avait évidemment été que l'instrument d'une volonté plus ferme que la sienne. Il avait dû lutter longtemps, céder ensuite, puis prendre son parti de cette dégradation morale. Que gagnera-t-il à sauver Mark? Mark ne l'écarterait-il pas plus tard comme un souvenir importun? Ne le prendrait-il pas en haine? C'était ce dont Mulford voulait s'assurer avant de rien décider. Qu'avez-vous fait de cet argent? Demanda-t-il à Mark. Notre amie là-bas serait-elle donc prodigue, insatiable? Du tout, repartit Mark. Mariette est économe et incapable de ruiner personne. Mais une maison, des enfants sont de lourdes charges. J'ai acheté quelques chevaux dans de grandes écuries, quelques chiens de race, puis parié un peu, seulement pour donner quelque intérêt au jeu. Quand on vit dans un trou comme Camelot, il faut bien se créer des distractions. Croyez-vous à ceux qui n'ont jamais péché? Allons, à tout pécheur miséricorde, dit Mulford, persuadé que l'aveu qu'il venait d'entendre lui livrait pour toujours Mark pieds et poings liés. Ce n'est pas par la reconnaissance, pensa-t-il, que je le tiendrai, mais par quelque chose de plus puissant. Par la peur, j'en ferai mon esclave, ma chose. Il ajouta, « Vous pouvez compter sur moi. J'arrangerai les difficultés, si impossible que cela puisse paraître. Vous pouvez y compter, » répéta-t-il lentement, pesamment, comme quelqu'un qui charge de liens un prisonnier. Mark lui serra la main convulsivement en s'écriant, « Que vous êtes bon. Vous ne voulez pas la mort du pêcheur, mais qu'il vive. » Vous relevez le voyageur blessé. Vous dites-le, le voyageur blessé. Il me semble qu'il y a un autre mot plus juste. Lequel? Voleur, pardieu. Mulford, pourquoi m'écraser de votre mépris si vous consentez à me sauver? Afin de bien établir que je connais la situation et que vous aurez à l'avenir plus d'un compte à me rendre, car je n'entends pas recommencer 2 fois la besogne que j'ai sur les bras en ce moment. Si vous me promettiez de déchirer cette page pleine des folies de ma jeunesse, je vous jure de rester désormais dans le droit, dans la justice, dans le bon sens. Je renonce aux jeux, aux paris, aux chevaux, aux chiens. J'enverrai les enfants à l'école. C'est un premier pas dans la bonne voie, si Madame Peters y consent. Elle n'y consentira pas volontiers, mais elle s'y résignera. Il y a assez longtemps que je cède, moi. Il faut que les rôles changent. Il n'y a pas plus de calme là-bas, dit-il en désignant le cottage de Sainte-Colombe, que dans une poudrière où l'explosion est à l'état chronique. Êtes-vous persuadé que votre frère prendrait si mal l'affaire s'il la savait? J'en ai la conviction. Il ne me pardonnait pas plus l'histoire du cottage que les erreurs de ma comptabilité. Ma sœur, impérieuse et fière, me soumettrait à une instruction extraordinaire, puis elle ferait à mon frère toutes sortes de révélations. Le mariage de Vivien n'est pas déjà si brillant. Trévenoc est un nom aussi respectable que respecté. Ce que vous devez comprendre, c'est que maintenant votre devoir est d'accord avec vos intérêts, et que la situation présente des ardoisières doit se montrer sous son vrai jour, qui est réellement des plus prospères. Pour le reste, la Providence vous... La Providence ! Répéta Marc en interrompant Molford. Ma naissance même a démontré que je ne suis pas l'objet de ses faveurs. Mais elle s'est montrée plus tard votre protectrice en m'envoyant sur votre chemin. Que serait-il advenu de vous si vous aviez rencontré un homme d'une justice inflexible et sans pitié? Je me serais sauvé en Amérique. Et la petite femme et les enfants? Elle serait allée trouver mon frère. Et qu'en aurait-elle obtenu? Rien. Absolument rien. Son cœur a été taillé dans le roc. À moins qu'il ne s'agisse de Barbara. Chaque homme a son côté faible. Et Vivien lui-même n'est pas exempt de la loi commune. Après cette causerie amicale entre le juge et l'accusé, les choses étaient de facile arrangement, et Marx sortit de la fournaise sans être brûlé vif. Molford fit une cote mal taillée où les manquements des entrepreneurs entraient pour une large part. Son enquête conclue, il dit à Vivien Penrough que l'administration de Marx indiquait plus d'imprévoyance que de désordre, qu'il avait surtout eu le tort d'accorder trop de confiance à des entrepreneurs qui n'offraient pas de garanties suffisantes, de donner de trop longs crédits et de ne pas examiner les choses d'un œil assez vigilant. Mais cette leçon, ajouta-t-il, réveillera Marc, et on peut croire d'avance que l'avenir apportera une ample compensation au passé. Marc s'est brûlé les doigts. « Dites plutôt les miens, » riposta Vivien. « Je crois qu'il serait très fâché si je reniais ses appointements de directeur des ardoisières. Évidemment, il n'est pas seul à puiser dans sa bourse. Je suis parfaitement au fait de toutes ses actions, de toutes ses histoires. Il n'en a qu'une, et c'est assez. Que voulez-vous qu'il fasse? Qu'il épouse une servante d'auberge? Ah, pour le coup, voilà ce que je ne lui pardonnerai jamais. Libre à lui d'avoir une liaison, de vivre avec la première venue, mais non de déshonorer sa famille. Noblesse oblige est un axiome qu'on ne peut oublier quand on appartient à l'ancienne et noble race des Penrough. Nous ne sommes pas des parvenus. Ces paroles n'étaient pas prononcées qu'elles étaient déjà rapportées au cottage de Sainte-Colombe. Ah, dit Madame Peters, si Marc n'était pas un si grand poltron, il y a longtemps que l'affaire serait arrangée. Je n'ai pas encore trouvé un homme dont je n'ai fait tout ce que j'ai voulu. Nonobstant cet aveu de sa toute-puissance, Madame Peters médita longuement le discours de Vivien, et elle attacha un regard mélancolique sur ses trois garçons lorsqu'ils vinrent lui souhaiter le bonsoir.